Chapitre 72. L'interdiction de l'orgueil et de la vanité. Allah Ta'ala dit: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Sourate 28, verset 83. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Sourate 17, verset 37. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas les présomptueux, pleins de glorioles. Sourate 31, verset 18. En vérité, Corée, Qaroun, était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd pour toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit: « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. » Et sois bienfaisant comme Allah était bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Il dit: c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens? Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Il sortit vers son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent: si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée. Il a été doté certes d'une immense fortune. Tandis que ceux auxquels le savoir avait été donné dirent: malheur à vous. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Sourate 28, versets 76 à 81. 612. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur la plus petite trace d'orgueil. Un homme dit: mais les gens aiment porter de beaux vêtements et de belles sandales. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: Allah est beau. Et il aime le beau. Non, l'orgueil, c'est le refus de la vérité et le mépris des gens. Muslim. 613. Salama ibn al-Aqwa, radiyallahu anhu, rapporte qu'un homme mangea de la main gauche en présence du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mange de la main droite, lui ordonna le prophète, alayhi salatu wassalam. Je ne peux pas, répondit l'homme. « Puisses-tu ne jamais pouvoir, » dit-il, sallallahu alayhi wa sallam. Seul son orgueil l'en avait empêché, et il ne put en effet plus jamais porter la main droite à la bouche. Muslim. 614. Haritha ibn Wahb, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, dire: « Voulez-vous savoir qui sont les gens de l'enfer ? Tout être dur, avide et orgueilleux. » Al-Bukhari et Muslim. 615. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le paradis et l'enfer se disputèrent. L'enfer dit: je ne reçois que les tyrans et les orgueilleux. Le paradis dit: je ne reçois que les faibles et les pauvres. Allah jugea alors entre eux: toi, le paradis, tu es ma miséricorde que j'accorde par toi à qui je veux. Et toi, l'enfer, tu es mon châtiment que j'inflige par toi à qui je veux. Et chacun de vous aura son plein. Muslim. 616. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah ne regardera pas le jour de la résurrection celui qui laisse traîner sous les chevilles son izar, vêtement se portant à la taille, par orgueil. Al-Bukhari et Muslim. 617. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah ne parlera pas à trois types de personnes le jour de la résurrection, ne les regardera pas, ne les purifiera pas, et ils subiront un châtiment douloureux. Le vieillard fornicateur, le souverain menteur et le miséreux, orgueilleux. » Muslim. 618. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah azza wa jalla a dit « La grandeur est mon izar, et la magnificence mon manteau, rida. Quiconque me les dispute, je le châtie. » Muslim. 619. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Un homme marchait fièrement dans de beaux vêtements, les cheveux bien coiffés, lorsque soudain, Allah le fit engloutir par la terre où il ne cesse de s'enfoncer jusqu'au jour de la résurrection. » Muslim. 620. Selon Salama ibn al-Aqwa', radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'homme ne cesse de s'enorgueillir jusqu'à être écrit parmi les arrogants dont il subira le sort. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ».